Plus pécule. Eh ouais,

Bonsoir chers auditeurs de Radio Arc-en-Ciel, l'émission Mavrika, c'est tous les vendredis soirs à partir de 19h et on est ensemble pour 3 heures de musique. Donc là, le temps de se mettre en place puisque des invités sont là dans les studios de Radio Arc-en-Ciel. Je vous l'ai déjà annoncé la semaine dernière. Il n'y avait pas d'invités. Par contre, ce soir, comme on a l'habitude de le faire depuis quelques années déjà, ça fait 12 ans que nous faisons cette émission et aujourd'hui c'est la 513e édition et nous recevons ce soir un groupe qui s'appelle Drive to Amnesia. Voilà, on est ensemble pour 3 heures, donc jusqu'à 22 heures. Depuis le début de l'émission, on a écouté déjà un petit peu de musique. On a écouté Bruno Bauer avec Belle comme une Vestale. On a écouté Il n'y a plus de PQ, hein, c'était le groupe Blast. Et on a écouté aussi Angeville avec l'Absence. Et à l'instant, c'était La Jarry avec On n'a pas le choix. Voilà. Alors ce soir, on va découvrir tout l'univers du groupe Drive to Amnesia. Ils sont ici dans les studios de Radio Arc-en-Ciel. Ils vont nous faire écouter leurs influences. Ils vont nous faire écouter aussi leur musique, hein, puisqu'ils ont amené des enregistrements. Et pas que, ils ont aussi amené des instruments. Et il y aura donc une partie live dans l'émission Mavrika comme on aime. Voilà, j'espère que vous êtes bien installés. Aujourd'hui, pour certains, c'est les vacances. Pour d'autres, ben, ils sont encore au travail. Ils viennent d'attaquer le week-end. Donc l'émission Mavrika, c'est un petit peu le début du week-end. On est ensemble donc pour 3 heures de musique. Restez avec nous. Et juste après, on va écouter les Full System avec Dealer de Peur. Vous êtes sur Radio Arc-en-Ciel, c'est l'émission Mavrika. dans les studios de Radio Arc-en-Ciel. C'est la petite musique pour présenter le groupe que nous recevons ce soir. Donc ils sont en place, il y aura du live donc tout à l'heure. Et déjà on va commencer à discuter un petit peu pour connaître un petit peu les membres du groupe. Alors bonsoir Drive to Amnesia, voilà, je le dis bien? Ouais, très bien. Bon, je vais essayer de vous écouter tous pour essayer de régler les micros au fur et à mesure. On va faire ça à l'arrache comme dans l'émission d'Eureka, on a l'habitude de le faire tous les vendredis soirs. Donc en tout cas merci d'être venu dans le studio de Radio Arc-en-Ciel. Alors ce soir on va tout découvrir du groupe Drive to Amnesia. Alors il est composé de 4 membres. Alors vous êtes là tous les 4, donc je vais vous laisser vous présenter de droite à gauche, de gauche à droite, comme vous voulez. On va commencer par les petits, par les petits. Ah bah c'est celui qui a pas le micro, donc c'est moi. C'est voilà, c'est bon, c'est bon. J'avais pas communiqué le bon. Il y a plusieurs micros et puis j'étais un petit peu décalé. Voilà, donc Fabrice. Guitariste et chant également. Très bien. Cœur et je tape du pied. Enfin voilà, j'anime. D'accord, tu fais plein de choses quoi. Ouais, c'est ça. Ok, donc le deuxième. Moi c'est Maxime, batteur. D'accord, donc ce soir ben, on est en mode restreint, donc la batterie elle est restée à la maison, mais par contre tu as ramené un caron. Exactement. Voilà. Très bien. Ensuite. Alors Mélanie. C'est la voix, mais la voix elle est faible. Voilà, c'est très bien. Voilà. Et moi je suis chanteuse. D'accord, Mélanie chanteuse, donc la chanteuse du groupe, la voix du groupe Drive to Amnesia. Et enfin le dernier. Et moi c'est Fabien, et moi c'est les claviers. D'accord. Donc voilà, avec tout ça, vous faites de la musique. Ouais. Alors, comment vous êtes rencontrés? Eh ben, on a passé des petites annonces pour sur les sites de musiciens célibataires. D'accord. Et en fait, non, exactement. Mélanie et moi, on se connaît depuis un moment. Mmh. Et puis, donc, on cherchait d'autres personnes pour compléter le groupe. On a eu plusieurs configurations, on a fait à deux, à trois, enfin il y a eu toute une histoire, mais aujourd'hui, depuis quelques années maintenant, on est quatre, donc on a trouvé, je dirais Fabrice et puis Maxime via Zikinf ou Zizik, ces sites d'annonces. En fait, on cherchait un guitariste et puis un batteur. On a mis une annonce et on a trouvé ces deux gars-là. Et vu qu'ils ne payaient pas, on a dit ok, c'est parti. D'accord. Donc alors pour ce soir, vous avez déjà décidé du cachet. Hein, pour, alors Fabien, tu prépares le carnet de chèque. Hein. C'est d'accord, ça. D'accord, ça tombe bien, il est dans mon sac. Très bien. Donc le groupe existe depuis combien de temps? Depuis 2019. 2019. C'est pas très vieux en fait. Bah, c'est pas très vieux, non. En plus c'est arrivé pile poil au moment du Covid. Ouais. Et donc avant vous étiez musicien, vous avez sûrement fait d'autres formations, je sais pas. Fabien. Vous voulez parler un petit peu de l'histoire, comment, ouais. D'où alors, vous venez Alors moi la musique, enfin du piano j'en joue depuis que je suis tout petit. Mais avoir un groupe, faire partie d'un groupe, c'est un peu quelque chose que j'ai en tête depuis toujours. Mais bon, la vie fait qu'on fait d'autres choses, on n'a pas le temps de tout faire et ça. Puis l'âge avançant, je me suis dit quand même, il faut absolument que j'essaie de faire ça. Et puis donc moi à la base, je suis un grand fan d'un groupe qui s'appelle Depeche Mode. Et on a commencé par faire des reprises de ce groupe-là à deux dans un premier temps avec un autre membre qu'on a perdu de vue. Et puis Mélanie, on voulait une chanteuse mm-hmm. pour faire un truc un peu différent. En fait, on voulait pas refaire des reprises exactes, mais un truc un peu à notre sauce à nous. Et ça commençait par avoir une chanteuse, mais on trouvait pas. Et Mélanie, on travaillait ensemble. Et un jour, on me dit, mais alors tout le monde savait un peu, mes collègues, je m'entends très bien avec mes collègues, et tout le monde savait qu'on cherchait une chanteuse. Et un jour, on me dit, mais tu sais que Mélanie, elle chante pas mal. Ça, voilà, vu qu'on trouvait pas, on s'est dit, une proie. Je vais pas la lâcher. Et donc, je l'ai un peu harcelé. On va dire ça comme ça. Ouais, je l'ai un D'accord. peu harcelé. En disant, mais viens faire un essai avec nous, on verra bien ce que ça donne. Et puis, ça ne t'engage à rien. Donc, voilà. D'accord. Et pendant l'émission, quand elle chantera, on la détache du siège ou comment ça se passe? Non, elle est fixée dessus. Elle est fixée, là. Ouais, d'accord, ouais. Ok. Voilà. Et puis ça a commencé comme ça. Mmh. Et puis, voilà. Puis d'autres choses à rajouter. Ouais, les choses étant ce qu'elles sont, voilà, on Avec Fabien, on a été dans une configuration duo par la suite. Mm-hmm. Après le départ donc du musicien qui était à l'initiative de la création avec Fabien. Et donc, on s'est mis à chercher donc un guitariste et un batteur. Et on a eu la chance de tomber sur Fabrice et Maxime. Et voilà. Et donc, du coup, on est à quatre. Et la config nous convient tout à fait comme ça. Alors voilà. Après, pour compléter, très vite, on s'est un peu lassé de faire des reprises. Et on a essayé d'en faire de créer un morceau ou deux à nous, comme ça, pour mettre au milieu des reprises qu'on faisait. Et puis, Ça fonctionnait pas mal, en fait. Ça fonctionnait pas mal. Et puis, on s'est dit, bah, on arrête de faire des covers. Et puis, on se consacre exclusivement à la composition, à la création de nos propres morceaux. Et c'est là qu'on avait vraiment besoin d'autres personnes pour nous aider et puis pour compléter le duo qu'on était à l'époque. D'où l'apparition de Maxime et Fabrice dans le groupe depuis 2019. Donc, voilà. Très bien. Donc, depuis cette date. Alors, on a commencé au début à faire un petit peu de reprise quand même. Et puis très vite on a abandonné et puis on est vraiment resté sur des compos. Alors les reprises au début c'était uniquement Depeche Mode ou il y avait d'autres groupes? Ah ouais, c'était Depeche Mode. Ouais. C'est pratiquement un groupe de un tribute. Voilà, c'est ça. Ouais, ouais. Mais c'était que ça. Mmh, très bien. Moi quand j'ai fait les premières répétitions et les premiers essais à Polysonic, parmi les compos, il y avait effectivement des morceaux de Depeche Mode. Mais contrairement à Fabien et Mélanie, moi je suis pas forcément un grand fan de Depeche Mode. Donc, il y a certains morceaux que j'avais même pas identifiés comme étant des reprises. Pour moi, c'était des compos. D'accord. c'était assez drôle. Et aujourd'hui, oui, on fait plus que des. On a pas mal étoffé le catalogue. Pas mal de morceaux à notre actif. Et puis, ce qui est sympa, c'est qu'on est en mode collaboratif aussi. C'est-à-dire que chacun apporte ses idées, ses compos, ses souhaits. Et ça fonctionne bien. Ouais. Ouais. D'accord. Donc, au début, c'est vrai que beaucoup de groupes commencent par faire des reprises. Hein. Alors, c'est ce que font souvent les gens. Voilà, un morceau, on l'écoute, on a tous le disque, ou alors on se passe les fichiers. Aujourd'hui, c'est comme ça. On l'écoute bien, et puis après, on se réunit pour l'interpréter à notre sauce, parce que c'est bien aussi de reprendre vraiment comme les tributes exactement pareil que l'origine, ou alors des fois aussi s'accaparer le morceau et puis l'interpréter à sa manière. Donc, et puis petit à petit, c'est vrai que vous êtes quand même envie de vous lancer dans la création et donc c'est comme ça que l'idée est venue de tiens il y a un téléphone, il y a un petit message voilà donc l'idée est venue de faire donc de la création. Donc vous avez fait plusieurs morceaux, alors comment ça se passe au début? C'était Fabien et Mélanie qui faisaient les compos ou est-ce que ouais vous aviez plusieurs compos à notre actif quand je vous ai rejoint? Moi au début on en avait 2-3 mais pas beaucoup. Mmh. Au début et peut-être un petit peu plus, je sais plus, je sais pas. Après quand vous avez intégré Maxime, vous aviez je pense au moins une dizaine de morceaux. Ouais, peut-être, ouais. On avait une dizaine de morceaux. En fait c'est Maxime qui nous a rejoint en premier, le batteur. Mmh. Et Fabrice est arrivé un petit peu plus tard, donc on faisait les morceaux tous les deux. Moi je m'occupais plutôt de tout ce qui était musique et Mélanie c'était plutôt tout ce qui était paroles en fait, la ligne vocale quoi. Ouais. D'accord. Ok, donc on est là ensemble pour découvrir justement tout votre univers. Alors déjà, on va commencer par écouter certaines de vos influences. Alors, vous avez amené énormément de morceaux, on n'aura peut-être pas le temps de les écouter tous, ou alors sinon on n'aura pas le temps de parler, donc il va falloir qu'on jongle un petit peu avec tout ça. Alors déjà, vous avez parlé de Depeche Mode, mais le premier morceau que vous avez apporté pour la c'est sur un la petit playlist, groupe inconnu, le premier morceau. Ouais, je sais pas si ça marchera, les Beatles. Ouais, je suis pas sûr. On n'est pas certains non plus, mais bon, on aime bien quand même, on voulait les soutenir. D'accord. C'est un choix de Mélanie, faut le dire. De toute façon, bon, ça marchera jamais, mais bon. Non. Très bien. Donc, le premier morceau, c'est les Beatles, avec un morceau assez connu quand même, c'est Come Together. Yep. C'est une reprise, ils l'ont repris des Depeche Mode, c'est ça. Hein. Non, bah, les gens qui écoutent là, ils sont un peu perdus. Si vraiment ils croient vraiment ce que je dis. Non, effectivement, les Beatles, c'est l'énorme groupe, hein. une des principales influences des groupes de la région. C'est vrai que souvent les Beatles, ouais. C'est Rolling Stones, souvent c'est ceux-là qui sont cités. Depeche Mode, c'est un peu plus rare, mais effectivement, c'est plus récent aussi. Après, ça dépend aussi de l'âge et tout ça. Donc le premier morceau qu'on va écouter, c'est les Beatles avec Come Together, et puis on se retrouve juste après. Right now. Slowly got you eyeball in. Voilà donc le premier morceau choisi par nos invités de ce vendredi 8 juillet. Donc c'est l'émission numéro 513 et elle est consacrée au groupe Drive to Amnesia. Donc ce premier morceau-là, qui c'est qui l'a choisi parmi vous ? C'est moi. C'est toi, d'accord. Donc le groupe les Beatles, c'est une influence pour toi, non ? Bah, c'est un des premiers groupes anglo-saxons que j'ai écouté quand j'étais jeune. En fait, dans ma famille, on écoutait plutôt de la musique française. D'accord. Et voilà, donc les Beatles, c'est arrivé un petit peu au moment de l'adolescence. Je les ai découverts grâce à des amis de mes parents. Et voilà, c'est devenu c'est la musique anglo-saxonne. Elle est rentrée dans ma vie, elle n'est jamais ressortie. Et donc, c'est rentré par les Beatles. D'accord, voilà. Donc les Beatles, c'est une bonne référence. Ouais. Et il se trouve que moi aussi, du coup. D'accord. Donc, j'aurais pu choisir les Beatles. Ouais, c'est sûr. C'est partie des groupes que j'ai le plus écouté au moment de l'adolescence. Et en tant que guitariste, c'est, je pense, le groupe, c'est ce que je disais tout à l'heure, dont j'ai le plus repris de morceaux, en fait. D'accord, effectivement, les Beatles, ils ont quand même beaucoup influencé les gens. À l'époque, c'était une révolution, quand même. Ils avaient une manière d'enregistrer. D'un album à l'autre, c'était complètement différent. Ils ont testé un tas de choses. Donc, les Beatles, donc, c'est une bonne référence. Donc, pour votre groupe, Drive to Amnesia. Alors, il y en a d'autres, Juste après, il y a The Cure. Par exemple, The Cure, c'est un peu plus récent que les Beatles. Qui a choisi ça? Qui a choisi The Cure? C'est moi. D'accord. Et comme les Beatles, c'est un groupe assez emblématique. J'ai préféré choisir un morceau. C'est mon préféré, celui-ci de The Cure. C'est pas forcément généralement les gens connaissent ce groupe par The Forest. Mm-hmm. C'est le titre le plus connu, mais moi je préfère celui-ci. C'est un morceau très instrumental. Il y a peu de chants dedans et une partie batterie que j'adore, en fait. Voilà, tout simplement. D'accord, donc c'est toi en tant que batteur, ça t'a inspiré aussi. Exactement. Très bien. Alors les groupes qu'on écoute ce soir, on retrouve un petit peu leur influence dans votre musique ou pas du tout? Si, un petit peu. Si, un petit peu. Ouais, forcément, de toute façon, on est forcément influencé par les groupes qu'on écoute. Moi je sais que, oui, vocalement, pour les lignes vocales, les Beatles, ça fait partie des références. Ouais. Après, je pense que le fait qu'on vienne d'univers différents, en fait, au fond, avec des groupes différents qu'on aime individuellement, justement, c'est, ça fait un petit mix de tout ça. On peut pas dire qu'il y en ait un vraiment qui nous influence plus qu'un autre. C'est juste notre histoire à chacun qui fait qu'on arrive à ce qu'on propose, en fait. Je pense que c'est naturel quelque part. En fait, les morceaux, on les construit avec beaucoup de claviers à la base, et derrière, tout le monde, les trois autres, viennent apporter leur petite pierre à l'édifice, en fait. Moi, je crée les basses, tout ce qui est basse, tout ce qui est structure du morceau, et derrière, Maxime trouve la ligne de batterie, Fabrice trouve la ligne de guitare. Mélanie et on essaie de trouver, et puis enfin, avec tout le monde, on essaie de trouver la ligne de voix. Et puis voilà, ça fait. Après, on arrange un petit peu, on déstructure le morceau selon l'univers qu'on lui donnait, plus pop, plus rock, plus électro même parfois, plus de synth pop. Et voilà, mais à la base, c'est vraiment le clavier qui. Donc, moi, c'est un peu plus Depeche Mode où il y a beaucoup de claviers. Elle est quand même ancrée en moi, ça c'est clair. Donc c'est d'abord la musique et ensuite les paroles. Ouais. C'est comme ça que vous construisez vos morceaux. Ouais. Les paroles, elles sont en anglais la plupart du temps, c'est ça ? Toujours. Ouais. Toujours en anglais. Toujours. Donc il n'y a pas de risque qu'il y ait un jour une chanson en français ou en espagnol ou en allemand ou... C'est pas prévu. Ouais, je suis pas sûre qu'on arrivera à se défaire de l'anglais, et puis c'est pas forcément quelque chose qu'on a envie de faire. On est trop influencé. Moi j'écoute pas du tout. Ou alors, si, mais pas du tout actuel. Enfin, il y a des grands artistes français très connus et populaires que moi j'ai écouté étant enfant, parce que mes parents écoutaient beaucoup ça. Brel, Brassens, Reggiani et tout ça, moi j'étais bercé là-dedans. Mais en vieillissant, moi j'écoute plus du tout de morceaux en français, quoi. Ça fait plus partie de mon univers à moi, donc naturellement, on va vers quelque chose qui nous est habituel. Et bien que ce soit pas notre langue maternelle, on a quand même été trop influencé. Ça sonne mieux avec votre style de musique, peut-être aussi. Hein. Exactement. Voilà. Je pense qu'on aurait eu du mal. Je pense qu'il y a une musicalité dans l'anglais qu'on retrouve pas dans le français. Et après, l'intérêt aussi d'écrire des paroles en anglais, c'est que, pour ma part en tout cas, ça me permet de pas vraiment se livrer, quoi. Si j'écris en français, la pudeur, elle tombe complètement. Alors qu'en anglais, on peut dire des choses que... Enfin, moi, je me permets de dire des choses que je ne permettrais pas de dire en français, en fait. À part si vous allez faire un concert aux États-Unis, une tournée aux États-Unis ou en Angleterre, voilà, où les gens comprendront exactement ce que vous voulez dire. Et là, ça, par contre, Parce que mon accent fera que de toute façon, ils comprendront pas ce que je dis. Donc, d'accord. On est ni compris par les Français ni par les Anglais, en fait. Ah ouais, c'est ça. Très bien. Et qu'est-ce que vous mettez dans vos textes? C'est Mélanie. Oui, bah, on met un petit peu ce qui fait nos vies. On parle d'amour, on parle de la mort, on parle d'environnement, d'environnement, on parle de ce qui fait aussi le quotidien des gens, les écrans notamment. On a fait une chanson sur le Covid. D'accord. Enfin voilà, on met un peu de ce qu'on est dans nos morceaux et de ce qui nous touche le plus, en fait. Ok, d'accord. Donc, la vie de tous les jours, ce que vous entendez à la télévision, ce que vous vivez tous les jours, quoi. Ouais, ce qu'on vit tous les jours. Très bien. Bah, justement, c'est les meilleures choses à dire, justement. C'est les choses pour lesquelles on peut être le plus précis, en fait. D'accord. On écoute tout de suite le deuxième morceau, parce que vous avez mis tellement de morceaux qu'il va falloir qu'on parle pas trop, quoi. Mais bon, on avance, on commence déjà à découvrir votre univers, on commence déjà à entendre vos influences, comment vous faites pour composer vos morceaux, comment vous faites pour écrire les paroles, etc. Et puis après, ce que les gens veulent, c'est écouter aussi vos morceaux à vous, hein. Donc, tout à l'heure, il y aura une session live, vous allez interpréter plusieurs morceaux, vous en avez prévu combien? 3 ou 4, hein. Ouais, 3 ou 4. 3 ou 4. Mm. Et vous avez plusieurs enregistrements, vous en avez combien aussi? 4. 4. Donc, il y a de quoi écouter. Donc, ce qu'on va faire, on va écouter déjà The Cure avec un morceau qui s'appelle The Kiss, c'est ça? C'est ça. Et puis, juste après, on continue à discuter et puis on écoutera peut-être un de vos morceaux. Parce qu'il y a trop de morceaux, il va falloir qu'on en enlève quelques-uns, on va essayer de sélectionner. Il n'y a pas de souci. Aucun problème. C'est parti avec The Cure, The Kiss. Thank you. Merci d'écouter Radio Arc-en-Ciel et pour la 513e édition, nous recevrons le groupe Drive to Amnesia. Ils sont ici dans le studio, il fait très chaud donc ça explique un petit peu le bruit que vous entendez derrière. Bah, c'est le ronronnement des ventilateurs parce que il fait vraiment très chaud dans le studio. Voilà, tout se passe bien pour vous ? Super. À part la chaleur. Tout va bien. Ouais, on avait le droit entre le bruit et la chaleur, donc on va essayer de jongler avec ça pendant toute l'émission. En attendant, on a écouté deux influences, donc on a écouté les Beatles tout à l'heure avec Come Together, et à l'instant c'était encore une influence, c'était le groupe The Cure avec The Kiss. C'est vrai que c'est un morceau qu'on connaît pas forcément très bien, mais ça fait plaisir justement d'écouter des choses des fois qui sont dans des albums, qu'on peut avoir dans des albums. On écoute souvent des morceaux les plus connus, et puis il y en a certains qui on prend pas le temps de réécouter tous les albums et qui passent à la trappe. Voilà, très bien. Maxime qui avait choisi ce morceau-là. Voilà, je recherchais les noms parce que dans le groupe il y a quatre personnes. Il y a Fabrice à la guitare, il y a Maxime à la batterie, Mélanie au chant et Fabien aux machines, au synthétiseur. Ça. Voilà. C'est ça. Donc ce soir, vous allez interpréter des morceaux en direct live. En attendant, ce qu'on va faire, on va essayer aussi de découvrir un premier morceau qui a été enregistré. Oui. Alors, vous avez fait combien d'enregistrements jusqu'à présent ? Alors, peu. On a fait, je dirais, un en vrai comme des grands dans un studio. On écoutera un peu plus tard. Et sinon, les trois autres, disons que c'est un peu du fait maison. Donc, en attendant d'avoir la possibilité de pouvoir les enregistrer dans des conditions, je dirais, semi ou carrément pro, on se débrouille un petit peu avec nos outils à nous. Et c'est le cas du premier morceau là, que vous allez diffuser, Foresight, qui est un morceau qu'on a enregistré un peu à la maison. D'accord. Donc, comment ça se passe? Vous avez eu, pour répéter, par exemple, vous vous retrouvez dans un local ou? Alors, il y a eu plein d'épisodes. Après le Covid, il nous a vraiment pas aidé, mais on a réussi quand même à trouver des solutions. En fait, pour nous, le Covid, il nous a servi au bout du bout parce que on était au début de l'aventure à quatre. Et ce qui fait que tous les morceaux qu'on avait, il n'y avait pas de guitare. Et en fait, ce Covid, il nous a permis, notamment et particulièrement à Fabrice, à travailler les lignes de guitare et pouvoir les intégrer et les travailler pendant le Covid et les intégrer aux morceaux. J'avais vos pistes aux copains là, et puis moi, j'essayais de trouver des lignes de guitare et que je leur proposais, et puis on validait à distance ce qui plaisait aux uns et aux autres. Avec un travail sur le son et les effets sur les guitares aussi qui m'a pris pas mal de temps et qui m'a bien occupé. Donc effectivement, cette période de Covid, je sais pas si j'aurais eu autant de temps à consacrer à la musique si on n'avait pas eu ce confinement. Faut trouver un côté positif à tout. Donc sur Foresight, je crois que sur cette version là il y a pas la guitare parce qu'on a pas dû la réenregistrer de façon propre, donc c'est synthé, voix et batterie. Et pour revenir à ta question initiale, en fait on a répété, alors au début on répétait chez Apolysonic. D'accord. Et puis après on a répété chez les uns et les autres. En fait, on a tous eu la chance d'avoir une combine chez nous pour pouvoir se trouver une petite place pour installer les instrus et puis jouer. Bon, à part évidemment pendant la période aussi, de Covid où on était coincé chez nous, mais après oui, par des connaissances aussi, on a joué dans un dépôt industriel où on avait une petite place qui nous était réservée et aujourd'hui on a fait construire une maison dans laquelle il y a un petit espace dédié à la musique. Donc, on répète chez nous. D'accord. Voilà, on voit les musiciens quand ils font construire la maison. Il y a toujours un endroit pour un petit studio, pour la répétition, pour l'enregistrement et tout ça. Mm-hmm. Très bien. Donc, et vous répétez tous les combien ? 15 jours. Tous les 15 jours. Mm. C'est réglé comme une horloge. Tous les 15 jours, vous vous retrouvez. Ouais. Et pendant les 15 jours où vous ne voyez pas, vous échangez des... Non, vous ne parlez pas du tout. Non, du tout. C'est déjà suffisamment pénible quand on se voit. Donc, on ne se parle pas. Dans le groupe, il y a quand même une bonne ambiance. Vous êtes content de vous retrouver. Je préfère qu'on en parle hors antenne, si c'est possible. Il y a des comptes à rendre. Moi, je dirais qu'avant d'être des passionnés de musique, on est avant tout des amis. On est devenus des amis. Ouais. Et je pense que c'est fait, ce qui est le plus important dans un groupe, c'est déjà qu'il y ait une super ambiance entre les membres. Je suis pas sûre qu'on puisse faire quelque chose de super quali quand on, voilà, quand il y a des tensions. Bah si, Oasis, ils l'ont fait. Ouais. Oui, certains l'ont fait, certains aussi ont duré un certain temps jusqu'au moment où ça allait plus. Je pense que si les groupes font que de la musique, au bout d'un moment, peut-être que qui se lasse justement, ouais, et ouais, c'est sûr. Alors que quand il y a autre chose, moi j'ai vu des gens qui sont venus ici dans les studios Radio Arc-en-Ciel et qui me disaient, voilà, des fois on a des jours où on avait prévu de faire une répétition et puis on a commencé à boire des coups et puis on a mangé ensemble et puis du coup on n'a pas touché nos instruments mais on a passé une bonne soirée tous ensemble et la fois d'après on a travaillé. Mais bon, de temps en temps c'est aussi bien de partager. Ouais, on va voir des concerts ensemble, on mange les uns chez les autres régulièrement. Donc on se voit en dehors de la musique, et effectivement, comme disait Mélanie, pour nous, c'est vraiment ça qui compte, en fait. Mmh. La musique, c'est presque un prétexte pour se voir. Ouais, c'est ce que tout à l'heure j'ai failli dire cette phrase-là. J'ai dit voilà, des fois la musique c'est un prétexte pour finalement rencontrer des gens, passer des bons moments ensemble. Ça c'est vrai. Grâce à l'émission Maurica et grâce aux concerts et tout ça, c'est vrai qu'on passe beaucoup de temps avec des personnes qu'on finit par connaître. Et puis voilà, c'est aussi le côté convivial qui est intéressant. Tout à fait. Bon, il y a la musique, c'est un prétexte. Hein. Non, mais aussi vous aimez la musique, j'en suis sûr. Voilà. Très bien. Ouais. Passionnément. Ouais, passionnément. À la folie, je dirais. Très bien. Alors, vous allez aussi à des concerts, comme tu m'as dit, Fabien. Ouais. Vous allez régulièrement. C'est vrai qu'on s'est vu à un concert il n'y a pas très longtemps. On s'est vu à un concert il n'y a pas très longtemps. Oui, on essaie d'y aller. On essaie d'y aller le plus souvent possible, en fait. On a tous des contraintes aussi. Ils nous empêchent d'y aller autant qu'on voudrait, mais dès qu'on peut, on y va. Et puis c'est important aussi, je pense, d'y aller. D'ailleurs, moi, je voudrais rendre hommage à un couple qui a fait quelque chose de formidable. J'ai eu l'occasion d'y aller. J'ai pas été aussi souvent que j'aurais voulu y aller, parce qu'il y avait une très bonne programmation. Et c'est le Croque Beden, voilà, qui a fermé. Là, on peut en parler. Oui. Ils ont fait une super soirée. Tu as été, non? Alors, nous, on n'a pas pu y aller, mais on est allé jouer il y a quelques jours. La semaine dernière. Ouais, pendant que moi j'étais ici. Voilà. C'est pour ça que j'ai pas pu aller jouer. Mais nous, on est vraiment très tristes parce que Orléans est une ville qui a énormément de qualité, mais c'est vrai que culturellement et pour pouvoir jouer pour nous musiciens locaux, c'est quand même assez voire très compliqué. Et des établissements qui laissent la chance au groupe du coin de venir s'exprimer, bah, y en a très peu. Eux, ils en faisaient partie. Ouais. Et c'est vraiment, en plus, c'était vraiment adorable tous les deux. On les a connus un peu, nous, sur le tard, en fait. Nous, on est allés voir quelques concerts déjà là-bas, mais on n'avait pas eu vraiment l'occasion de discuter avec eux. Mais c'est vraiment ces dernières semaines qu'on a fait un peu plus leur connaissance. Et c'est vrai que C'est triste. Hein. C'est vraiment très triste pour eux, en premier, bien sûr, et puis aussi pour Orléans, et puis pour nous. Parce que ça fait un lieu de moins où on peut aller écouter de la musique sympa, dans un lieu sympa, en mangeant et en buvant un coup entre copains. Et ça, c'est vraiment triste. Voilà, donc je tenais à en parler quand même, parce que j'ai vu aussi certaines photos. Apparemment, c'était blindé. Ouais. C'était mardi, le dernier jour. Ouais. Le dernier concert, il y avait les Twister Cover qui étaient là. Un groupe que nous avons déjà reçu dans les studios Radio Arc-en-Ciel, qui joue aussi au 108. Hein. Oui. Donc vous les connaissez peut-être. Oui. Et justement, c'était la dernière soirée, parce qu'il y a eu un problème avec les constructions à côté, je crois, qui menacent de s'écrouler. Du coup, les gens viennent beaucoup moins. Et là, ils ont voulu rendre un hommage quand même. Donc aujourd'hui, c'est à vendre. Donc j'espère que Sandra et David, hein, c'est ça, et auront d'autres aventures et qu'on pourra les retrouver quelque part ailleurs. En tout cas, voilà, on leur souhaite une bonne route et puis encore une fois, on les félicite pour tout ce qu'ils ont fait. Voilà. Tout à fait. Très bien. Donc vous allez au concert assez régulièrement. On s'était vu aussi au Dropkick. Oui, Dropkick, on est allé jouer aussi là-bas. On a vu, même sous l'ancienne génération, l'ancien propriétaire, on y allait régulièrement. Voir le Bleu des Villes avant, et encore avant l'infrarouge. Ouais. Voilà, et donc c'est vraiment un coin qu'on aime bien, on y va souvent. Et puis ce qui est sympa, je trouve, c'est que musicalement, il y a tout, en fait. Il y a un peu de tout, c'est quand même très branché métal. Mais nous, alors qu'on n'est pas du tout notre univers, on est allé y jouer, ils nous ont donné l'opportunité d'aller y jouer. Donc voilà, il y a plein de groupes du coin, et c'est vraiment très rare, il faut le souligner. Et merci, un grand, grand merci à eux qui donnent. qui donne la chance à des groupes du coin d'aller jouer. Et j'en profite avant que j'oublie pour remercier aussi Aldino pour ça. Parce que permettre, il y a tous les groupes du coin qui sont venus ici, enfin beaucoup. Beaucoup, oui. Et c'est génial, quoi, parce que pour nous, ça nous permet un petit peu de faire découvrir nos univers sans vous, sans toi, sans des lieux comme le Dropkick ou le Krogboden, malheureusement, qui a disparu, ben, on ne pourrait pas s'exprimer. Donc, grand merci à vous tous. Moi, c'est vraiment un plaisir parce que je vais raconter un petit peu l'histoire. Ça fait 12 ans qu'on fait cette émission. On est quand même à 513 éditions. On a reçu plus de 300 formats, 300, 400, je sais même plus, je compte même plus. Beaucoup de formations. Moi, je reprends mon album où il y a justement le livre d'or avec tous les petits mots de tous les groupes. Quand je tourne les pages, il y en a énormément qui ont disparu, malheureusement. Ça fait déjà en 12 ans, ce qui est un petit peu normal. Même les Beatles ont duré moins longtemps. Ah, je croyais que tu allais dire que les Beatles étaient venus. Non, je les ai invités. Dès qu'ils auront l'occasion, ils viendront. Ouais. Mais pas au complet. Je ne sais pas pourquoi. Donc, voilà, ça m'a fait plaisir. Et c'est vrai qu'au début, quand j'avais repris cette émission en 2010, j'avais commencé à diffuser des morceaux, comme ça, du pouce-disque. Et je me suis dit, non, ce que j'ai envie de faire, c'est de recevoir des groupes de la région. Donc, au début, c'était un tous les mois, tous les 15 jours, et puis après j'ai fait que ça pendant un certain temps, et là dernièrement c'est un petit peu de mal à reprendre avec le Covid aussi, parce que pendant un certain temps on n'a pas pu faire d'émissions, on a pu faire des émissions mais pas recevoir d'invités. Aujourd'hui vous êtes là, bon, j'espère que ça va pouvoir continuer à durer comme ça et que je puisse encore recevoir des invités. On verra, parce que de toute façon là c'est le mois de juillet, c'est avec bientôt les vacances. Au mois d'août il n'y aura pas d'émission, et au mois de septembre j'espère qu'il n'y aura pas de restrictions qui nous empêchera de recevoir à nouveau des artistes. Alors après c'est aussi un petit peu compliqué parce qu'il y a aussi des gens qui ont des fois un peu peur. Donc moi j'ai eu pas mal de dates qui ont été réservées, qui ont été déplacées, ça s'est fait. Bon, je vois bien que ça revient très doucement. On regarde au niveau des concerts aussi, il y a beaucoup de concerts à droite à gauche parce que les gens ont envie de sortir et tout ça, mais il y a quand même, on voit beaucoup de concerts où malheureusement il n'y a pas encore beaucoup de personnes. Il y a de l'appréhension encore. Ouais, il y a encore un petit peu d'appréhension à ce niveau-là. Donc sachant que les chiffres ne sont pas très bons au niveau du Covid, on a le droit de se poser un petit peu des questions, mais bon, aujourd'hui on peut quand même aller à des concerts, on n'est pas obligé de garder de distance, on n'est pas obligé de respecter le nombre de personnes, on n'est pas obligé de porter des masques, bon, on peut essayer de s'amuser, mais il faut toujours faire attention. Pourvu que ça dure. Pourvu que ça dure. Très bien, en tout cas le Covid il nous a pas fait du bien à nous, aux artistes, aux gens de la radio, aux gens qui s'occupent un petit peu du spectacle et tout ça. Donc on a parlé des artistes que vous allez voir. Vous connaissez beaucoup d'artistes de la région, non? Beaucoup, non, mais les groupes de la région orléanaise sans forcément les avoir tous rencontrés. On en connaît un certain nombre, ouais. Il y en a que vous préférez à d'autres, ou est-ce que vous avez des petits chouchous dans la région? Bon, après, c'est peut-être pas préféré, mais on a eu des collaborations avec certains groupes, on a partagé des scènes, donc forcément, quand on rencontre les gens, après, il y a un lien qui se crée. Ouais, c'est un bon feeling, en plus, après, vous fêtez ça à la fin du concert, et puis après, vous faites des connaissances, voilà. Et puis après, c'est pareil, vous faites un concert avec eux, un jour, vous avez une occasion, vous pouvez toujours les contacter pour qu'ils viennent. Exactement, c'est exactement ce qui se passe. Voilà, c'est des échanges qui se passent. C'est pas des renvois d'ascenseur, mais c'est on se rend service les uns les autres. Mmh. Nous, on y tient beaucoup, je crois, c'est sûr, avec le reste du groupe, au fait que la scène orléanaise a tout intérêt à s'appuyer les uns les autres, en fait. Plutôt que de se tirer dans les pattes et d'essayer de trouver des dates pour son groupe, autant essayer de partager des scènes et de faire ça en bonne intelligence, quoi. Mmh. Je pense qu'on serait tous gagnants à faire ça. Donc, ouais, quel que soit style, quel que soit. Voilà, il y a la place pour ça. Tout le monde. Alors, c'est vrai que sur des scènes partagées, on essaye plutôt d'être sur des styles de musique qui sont en lien avec le nôtre. Mmh. On avait partagé une scène avec Aurora Rima, on a partagé des scènes avec Glass Zone. Il est dans la playlist. Et Roraima qu'on a reçu il y a quelques temps aussi dans les studios. Donc voilà, ouais, ça fait partie. Enfin, je pense que c'est les deux groupes dont on est le plus proche aujourd'hui. Très bien. Donc depuis qu'on parle de Drive to Amnesia, on va peut-être écouter le premier morceau alors. C'est parti. Donc le premier morceau s'appelle First Sight. Et ça parle de quoi? Ça parle de l'amour qu'on éprouve pour nos enfants. D'accord. Voilà. Eh ben, je pense que ça, c'est quelque chose d'universel. Quelle que soit notre origine, quel que soit le pays dans lequel on vit, ben, il y a quelque chose qui est commun à tout le monde. Hein. C'est pour ça que Sting chantait « Les Russes aussi aiment leurs enfants ». Et donc, je pense que c'est quelque chose qu'on aime tous. C'est les enfants. Et donc, vous avez créé une chanson avec ce sujet. C'est parti. Donc Depeche Mode sur Radio Arc-en-Ciel avec I feel you. Voilà, je me demandais s'il y avait le you ou pas, mais sur le titre, effectivement, tout est inscrit. Et juste avant, on a écouté le premier morceau de Drive to Amnesia, le groupe qui est présent ce soir dans les studios de Radio Arc-en-Ciel avec First. Je sais. Sight. Voilà, je l'ai bien dit. Parfaitement. Bon, bah voilà, je m'améliore alors. Merci pour la leçon d'anglais. Donc c'était le premier morceau qui a été enregistré, donc. Et puis maintenant, vous nous proposez d'interpréter un morceau en direct live. C'est ça. C'est ça. Là, vous êtes en place. On va voir si on entend tous les instruments, parce qu'on a tout installé, on a mis les micros dessus. Et puis maintenant, on va voir si tout fonctionne comme il faut avant d'interpréter le premier morceau. Alors, la guitare, on l'entend, c'est bon. Voilà. Le cajon. Voilà. Et ensuite, les synthés. Il n'y a rien. Ah. Ah, il y a toujours les petits trucs, hein, surtout quand il y a des appareils électroniques. Ça va pas y aller. Un petit souci au dernier moment. Ah voilà, c'est souvent comme ça. Les aléas du direct. On se prépare pendant des heures et au moment, hop, il y a un petit souci. Mais bon, je pense que ça va être corrigé tout de suite. Ou sinon, on envoie un morceau tout de suite. Hein. Il n'y a pas de problème. Le temps de, on fait comme ça. Donc on va écouter un autre morceau qui a été choisi par le groupe aujourd'hui. On écoute et puis on en parle juste après. Yeah. qui a choisi ça? Voilà, on revient dans les studios de Radio Arc-en-Ciel. Donc on vient d'écouter un morceau qui n'était pas prévu. Il était prévu pour après le live, mais effectivement on est en direct. Il y a eu un petit souci, maintenant c'est arrangé. C'est la preuve qu'on triche pas dans l'émission Mavrika. Il y a pas de, ils jouent vraiment en direct. Hein. Ils sont là avec leurs instruments. Donc ce soir Drive to Amnesia et le morceau qu'on vient d'écouter à l'instant, qui c'est qui nous le présente? C'est moi, c'est moi. C'est toi, Fabrice, qui, ouais. Qui l'a choisi celui-là. Ouais, moi, les morceaux que j'ai choisis dans la playlist, en fait, c'est plutôt des trucs qui, habituellement, ne passent pas trop en radio. Donc, bah, j'ai choisi un groupe qui s'appelle Wolf Paran, un groupe canadien. Et c'est un mélange au niveau des synthés et des guitares que j'adore. Et au niveau de la voix aussi, elle est hyper intéressante. Donc, super sympa, je connaissais pas du tout et franchement j'ai bien aimé. Et puis Radio Arc-en-Ciel est là justement pour passer ce qu'on passe pas dans les autres radios. Si c'est pour faire la même chose que les autres, ça sert à rien. Donc on a aussi cette petite différence par rapport, vous avez pu écouter des émissions complètement différentes d'un animateur à l'autre parce que chacun a la responsabilité et de sa production. Donc dans l'émission Mavrika, c'est priorité aux artistes de la région orléanaise et tous ceux qui veulent bien venir. Donc si le groupe veut venir du Canada, il n'y a pas de souci, on l'appellera avec beaucoup de plaisir et tu pourras venir aussi à cette occasion. Bien. Très bien, donc on revient avec Drive to Amnesia avec un morceau en direct live, donc le synthé cette fois-ci on l'entend. Ah bah voilà, impeccable. Bon, je pense qu'on a tout ce qu'il faut, maintenant il va falloir doser un petit peu, on va faire tout ça à l'arrache. Alors le premier morceau que vous allez interpréter s'appelle comment? The Kid I Was. D'accord, l'enfant que j'étais. Voilà, c'est donc bah, vous êtes encore des enfants là, hein, donc je pense que je suis largement le plus vieux, donc j'arrête la petite musique de fond, je coupe mon micro et l'antenne est à vous, vous jouez quand vous voulez. Deep in my heart, I'm sorry. Voilà, on est nombreux dans le studio. Voilà, bravo en direct live dans les studios de Radio Arc-en-Ciel, le groupe Drive to Amnesia avec le titre Quand j'étais un enfant, qui est en anglais. C'est ça, exactement. Et en anglais, c'est comment The Kid I Was. The Kid I Was, voilà, c'est ce que je voulais dire. Très bien, ce premier morceau interprété en direct live, ça va le son pour vous? J'ai essayé de faire pour le mieux. Ça va? Donc tout le monde se remet en face des micros, voilà. Effectivement, dans les studios, il y avait un micro pour chaque instrument, et finalement le Caron, on l'entendait très bien sans micro du tout. Parce que j'arrive. Donc c'est pour ça au début j'avais mis un petit peu, et petit à petit j'ai carrément coupé le micro et on le capture bien dans la pièce. Voilà. En tout cas, bravo pour cette première interprétation. C'est pas toujours évident de jouer dans un studio dans lequel on n'est pas trop habitué. En plus avec une chaleur, pas possible. Il fait bon. Ouais. Là vous êtes chaud. C'est le cas de dire. Super, donc ce morceau-là, il existe depuis longtemps ? C'est le deuxième qu'on a composé. D'accord. Donc à l'époque où Fabrice et Maxime ne nous avaient pas encore rejoints. Et en fait, on s'était posé la question avec Fabien, est-ce que l'enfant qu'on était serait fier de l'adulte qu'on est devenu ? Ça fait presque sujet bac de philo. Vous avez 4 heures. c'est vrai que par rapport à nos enfants, à la génération qui vient, des fois, on culpabilise un peu de certaines choses qu'on a fait. Et ils nous le disent aussi. Hein. Ils disent, ouais, à cause de vous, la pollution, ceci, cela. Bon, souvent, ils nous mettent en cause, nous, directement, notre génération, même si on n'est pas forcément... Moi, je sais que j'ai toujours été consciencieux de l'atmosphère dans laquelle on est, donc... notre univers, donc la pollution et tout ça, j'ai toujours fait attention. À côté de ça, il y a des gens qui ont abusé, hein, forcément. Et quelque part, nous, on doit aussi laisser à nos enfants la Terre dans un bon état, quoi, le meilleur état possible, aussi bien au mieux que ce qu'on l'a trouvé. Ça serait le mieux. Ça va être compliqué. Ouais, sachant vrai, hein. à la vitesse où ça va. Et puis sachant aussi avec les nouvelles choses qu'on nous impose un peu et qui... On ne sait pas si ça va vraiment tout sauver, hein, mais en attendant, bon, les voitures électriques, tout ça, il y a des gens qui sont pour. On détourne un petit peu le problème parce qu'on ne veut pas polluer sur l'endroit, mais on va polluer à côté, etc. Donc, bon, on se pose plein de questions en tout cas. Il y a une chose qui est sûre, en tout cas, c'est qu'on ne peut pas continuer comme ça. Ah bah ça, c'est clair. Hein. Bah là, si on regarde bien, ces 50 dernières années seulement, eh ben, on a dégradé plus que dans plusieurs milliers d'années, donc on ne peut pas continuer. Il va falloir faire un choix. Donc, vous êtes venu à vélo, c'est ça, ce soir? Eh bien non, chacun avec notre voiture. Ouais, 4 voitures. Non, pas 4. C'est pas vrai. Très bien. Donc voilà. Non, mais c'est vrai qu'après. On va planter un arbre après l'émission. D'accord. Ah ouais, ça serait sympa en tout cas. Greenwashing. Voilà. Donc vous êtes sensible à l'écologie et choses comme ça, non? Oui, plutôt. Ouais. Mmh. On a même un titre qui s'appelle Too Late to Cry, ce qui veut dire qui sera bientôt trop tard pour pleurer. Qui invite les gens à se prendre par la main et en main dès maintenant pour protéger ce qui reste à protéger en fait. Moi ça me rappelle un titre déjà qui est pas récent mais qui m'avait beaucoup touché. C'était un artiste brésilien qui chantait Les Baleines. Il disait voilà, les enfants quand ils vont voir les films des baleines, ils vont nous regarder, ils vont dire mais qu'est-ce que vous en avez fait? On est un peu responsable de ça. Il dit mais les baleines, il n'y en a plus. Parce que disons, il faut savoir, bon, heureusement, il y a quand même des trucs de protection et tout ça, mais c'est quand même un animal fabuleux, quoi. C'est vrai qu'on est en train de le détruire sans même le voir, parce qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont jamais vu de baleine, moi le premier. Donc on les a vus à la télévision et tout ça, mais quelque part, on est quand même un peu responsable de la disparition des baleines. Et on parle des baleines, mais après, c'est plein d'espèces qui disparaissent tous les jours, il faut le savoir aussi, parce qu'on détruit leur environnement, parce qu'on consomme des choses qui sont faites dans des endroits où on détruit justement les choses aussi. Donc la mondialisation n'a pas forcément fait bonne chose non plus. Voilà, quelque part, si un enfant nous demande, mais alors, qu'est-ce que vous avez fait des baleines? On est un peu responsable, on est un peu coupable quand même. Non, c'est clairement un sujet qui nous tient vraiment tous et toutes à cœur. Et je pense qu'on, nous, à notre petit niveau, on essaie de faire le minimum pour. pour essayer notre petite échelle. Moi, j'ai fait un effort ce soir. Par exemple, je joue avec une guitare acoustique. Alors, d'habitude, je suis sur l'électrique. D'habitude, voilà, c'est une guitare nucléaire, ouais, c'est ça, hein. Tout à fait. Une guitare nucléaire. Non, mais après, c'est vrai que on a besoin aujourd'hui. Heureusement qu'il y a les ordinateurs. Heureusement qu'il y a les voitures. Heureusement tout ça. Mais après, il y a peut-être un petit peu d'abus d'un autre côté, parce que là, on parlait des voitures thermiques qui ne seront plus utilisées. Quoi, ils seront toujours utilisés, mais on ne pourra plus les fabriquer dans 13 ans, hein, c'est ça, hein, en 2035, il me semble. Mais par contre, les voitures de petite série, c'est-à-dire les Lamborghini, les Ferrari, les Rolls-Royce. C'est là où on embêtait. Eux continueront à les faire. Alors c'est que ces moteurs-là, justement, c'est des voitures qui ont des très très gros moteurs et qui polluent forcément plus qu'une petite cylindrée, quoi. Donc, est-ce que ça serait pas une solution aussi de réduire peut-être les cylindrées des voitures en disant voilà, à partir de maintenant, allez jusqu'à soyons temps, raisonnables. Ouais. On reste là. Ouais. Pourquoi on a des V8 ou des V12 de 5 litres alors que bon, nous on en a pas. Vous en avez pas. Moi non plus. On a des mobilettes. Pourquoi on a des 4x4 quand on habite à Orléans? Je pense que ouais, au voilà, relief, c'est on ça, est tranquille, ouais, en fait, on n'a pas trop. Et besoin après, on interdit, par exemple, il y a des villes comme Paris où on interdit certaines voitures de rouler à certaines périodes. Et pourquoi on ne sélectionne pas justement les voitures d'une certaine cylindrée qui vont plus en ville? Voilà, ce serait beaucoup plus simple aussi. Mais bon, je pense pas que ça arrange ceux qui nous dirigent. Peut-être. Voilà. Donc c'est une petite question qu'on lance comme ça. Après, si vous avez des solutions, nous on est preneurs parce qu'on aimerait bien progresser de ce côté-là. Très bien. Donc on a écouté ce morceau-là, c'est le premier morceau interprété en direct live. Il y en aura deux ou trois. Ouais. Ça, deux, avec les rabels, ça fera trois. C'est ça, tout à fait. On fait comme ça. On dit que c'était pas prévu. Oui. Ils en fait trois, et puis moi je fais les rappels, et puis derrière vous interprétez un quatrième. Ça marche très bien. Comme ça. Voilà. On écoute un autre morceau, peut-être. Ouais. Parce que parmi les morceaux que vous avez amenés, vous avez aussi amené un groupe, je ne sais pas s'il marchera, c'est un groupe qui s'appelle U2. Ouais. Non, bah, on va le traduire en français. Parce que c'est Mélanie qui a choisi ça, je crois. Voilà, U2, je dis ça comme ça parce que c'est drôle, mais par exemple en Espagne, ils disent Udos, ils disent pas U2, c'est marrant, ils traduisent le nom. Alors qu'en français, on dit U2, on dit l'anglaise, hein, tout simplement. Alors c'est Mélanie qui a choisi ce morceau-là. Voilà, un groupe. Un petit groupe qui promet, hein, je pense. Qui promet, ouais. c'est mon morceau préféré de ce groupe. C'est un morceau, quand je l'écoute, j'ai l'impression d'arriver au bord de l'océan. Et voilà. Et donc là, c'est bientôt les vacances. Ou c'est les vacances pour certains. Pour déjà. Certains, oui. Ouais. Et donc, je me suis dit que c'était tout à fait indiqué de le passer ce soir. Très bien, on va se diriger vers l'océan, on va écouter tout de suite U2 avec un titre qui s'appelle Where the Streets Have No Name. Voilà, il commence tout doucement. Hein. Voilà, on s'approche de l'océan. Vous êtes sur Radio Arc-en-Ciel, c'est l'émission Mavrika. dans les studios de Radio Arc-en-Ciel. Il fait très chaud ici dans les studios. Et en attendant, ben, on écoute de la très bonne musique. Alors, la playlist a été créée par nos invités. Il s'agit du groupe Drive to Amnesia. Et il est composé de Fabien, Mélanie, Maxime et Fabrice. Et ils sont tous là dans les studios de Radio Arc-en-Ciel. Ils ont interprété un live tout à l'heure. Alors, restez avec nous. Il y en aura deux autres et peut-être plus avec les rappels. Voilà, donc on est dans les studios, il fait très chaud et puis on va continuer à découvrir le groupe Drive to Amnesia. Alors pourquoi vous avez choisi ce nom-là? Vous saviez que j'allais le poser. En fait, on n'a pas vraiment de réponse à cette question. C'est des discussions, ce qu'on appelle un brainstorming. Alors moi, j'ai pas participé. Hein. D'accord. Moi, je voulais qu'on s'appelle les Sex Pistols, mais ils m'ont dit c'était non. Déjà je crois que ça existait en fait. Déjà. Ouais, ouais. C'est ça. Ouais, c'est. Voilà, on a discuté tous ensemble de comment. Non, pas tous ensemble, j'étais pas là. Pardon, alors tous les trois. Voilà. De comment on pourrait appeler le groupe. Et puis voilà, on est arrivé sur cette proposition, on trouvait que ça sonnait super bien, que ça nous représentait bien au final. Après, c'est une explication à donner, ça serait quand même. On a tous eu un peu des expériences compliquées dans nos vies respectives. Et en fait, il y a des. C'est parti, grosso modo, c'est comment on pourrait oublier certaines histoires de notre vie qui font qu'on a un peu souffert. Et en fait, on a pensé à l'amnésie, en fait, et on se disait, allons vers l'amnésie, en route vers l'amnésie pour oublier des moments difficiles de nos vies. En fait, c'est parti d'un peu comme ça. Et ça a donné ce nom-là, en fait. Et puis, il y a des choses qu'on voudrait bien oublier et qui, malheureusement, nous poursuivent sans arrêt. C'est pour ça que l'amnésie... Et inversement, il y a aussi des choses, heureusement, notre mémoire est sélective, il y a des mauvais souvenirs qu'on a complètement oubliés. Et des fois, on se dit, c'est pas plus mal, voilà. Et après, bon, ce qu'il faut, c'est essayer d'occuper notre esprit avec les meilleurs moments. Et ce soir, justement, on est dans les studios Radio Arc-en-Ciel avec le groupe Drive to Amnesia. Et on passe des très bons moments et ça sera des très bons souvenirs pour l'avenir. Tout à fait. Super. Donc, voilà. Alors, notre ami Florent, il est en vacances. Tu ne feras donc pas le podcast de cette émission. Par contre, moi, j'essaie de le remplacer. Donc, à la maison, j'ai commencé l'enregistrement. J'espère que ça va bien se passer et qu'on va pouvoir le récupérer pour pouvoir récupérer aussi les lives, principalement les morceaux qui sont interprétés en direct dans les studios de Radio Arc-en-Ciel par le groupe présent. Voilà. On va faire un petit coucou aussi à tous les gens qui nous ont fait un petit coucou sur le Facebook de l'émission. N'hésitez pas, il y a une page Facebook, vous le savez, pendant l'émission. Moi, je la gère comme je peux, entre deux morceaux. Si vous avez des questions à poser, tout ça, n'hésitez pas à nous contacter. Si vous avez envie de nous envoyer un petit coucou, tout simplement, ou un petit j'aime, n'hésitez pas à aller sur la page. Ça s'appelle Albino Mavrica. Et je vous répondrai. Si je ne réponds pas tout de suite, je répondrai un peu plus tard, dès que j'ai un petit peu de temps. Voilà. Et en attendant, il y a pas mal de personnes. Alors, ce qui me fait plaisir aussi, c'est de voir qu'il y a aussi beaucoup de musiciens parmi tous les gens qui sont intervenus. Donc, il y a notre ami David McLean, il y a Luc Dumas aussi, Georgia Pouliquin, avec laquelle j'ai fait une émission il n'y a pas très longtemps, qui aujourd'hui est sur France Bleu Tour. Voilà. Gino Joubert, Cassandre, Coco, Julien Delcroix, tout à l'heure on a passé un morceau justement des dealers des Full System, le titre c'est Dealer de Peur, Fabien, Patricia, Monsieur Alex du groupe Skawax, Aurélie du groupe Neutol, voilà, donc on leur fait un petit coucou à tout cela et n'hésitez pas à nous faire un petit coucou. Et si vous avez aussi des questions à nous poser, si vous voulez nous envoyer des petits messages, il y a aussi l'adresse mavrica@live.fr. Vous pouvez aussi nous envoyer vos morceaux pour qu'on les diffuse dans les prochaines émissions. Et si vous aussi vous avez un groupe, vous avez un projet, n'hésitez pas à nous contacter via le Facebook ou l'adresse mail pour préparer une petite émission ensemble, pourquoi pas pour la rentrée. Alors là justement, la semaine prochaine, théoriquement, il n'y a pas d'invité. Hein. Alors et la suivante, ou alors je vous dis des bêtises, ou alors c'est déjà la semaine prochaine. Non, c'est la suivante. Après, il y aura un groupe qui viendra de Grenoble. Je vous en parlerai d'ici là. Voilà, on est dans l'émission Mavrica numéro 513 et les Drive to Amnesia sont avec moi. Tout se passe bien ? Très bien. Tout se passe bien. Voilà, on résume un petit peu pour les gens qui se connectent là sur radio-arc-en-ciel.fr ou alors ils ont allumé leur radio FM sur le 96.2 MHz. Donc on a écouté U2 à l'instant, on va réécouter un autre morceau tout à l'heure de Drive to Amnesia qui a été enregistré dans les studios Radio Arc-en-Ciel. Et là, et forcément, il y a des gens qui nous font un petit coucou aussi par téléphone. Voilà, il y a eu deux coups de téléphone, on essaiera de voir tout à l'heure s'il peut nous appeler quand on les sera. Fans, c'est ouais, fans. Voilà, c'est les fans. Ouais, le souci c'est que quand on est à l'antenne, on peut pas répondre au téléphone, donc souvent c'est un petit peu compliqué. Et souvent c'est là justement que les gens appellent. En tout cas, merci d'avoir appelé. Hein, si vous vous rappelez tout à l'heure, qu'on passera un petit peu de musique. Ok. Bon, voilà. Donc on va continuer cette émission avec encore de la musique, peut-être. Mm-hmm. Ouais. Alors on continue avec le morceau suivant. Le morceau suivant, c'est le numéro 18. Alors j'ai pas regardé encore le titre, mais tu vas nous le présenter, Fabrice. On en parlait tout à l'heure. En fait, ouais. C'est un de nos titres. C'est Too Late to Cry. Ah, oui, c'est le c'est fameux celui-ci. Morceau à vous, donc c'est le numéro 18. Et après, il y aura le 8, on peut le présenter aussi, hein, à la limite. Ah, alors ça, c'est comme un ça, on enchaîne. J'ai choisi Maxime, moi ouais, je connais pas en fait. Je découvre ce que Maxime a choisi comme musique. Tu veux nous en parler deux secondes ? Le 8. Donc le numéro 8. Alors c'est une artiste gambienne aussi, et elle a des origines gambiennes et londoniennes. C'est un morceau que j'adore et qu'il y a un instrument assez atypique dedans. Ça s'appelle le kora. Je trouve ça vraiment très très très joli comme instrument. Et c'est par ce groupe-là, cet artiste-là que j'ai découvert cet instrument. Voilà. Très bien. Donc on va écouter les deux morceaux enchaînés, puis après on se retrouve, on continue à discuter un petit peu, et après on va peut-être envoyer les autres lives. C'est comme ça marche. C'est parti. Thank you. Voilà, on n'a pas écouté deux morceaux comme il était prévu, on a écouté un troisième, il y en a un troisième qui a voulu se glisser parmi les deux autres, et ben pour notre plus grand plaisir. Donc on a écouté Ludovico Einaudi justement avec Time Lapse, et juste après, à l'instant, c'était Sona Jo Barté avec Jarabi. Voilà. Et on avait commencé cette série musicale avec Drive to Amnesia, le groupe que nous recevons ce soir dans l'émission d'Amérique, avec Too Late to Cry. Voilà, on revient dans les studios de Radio Arc-en-Ciel avec le groupe Drive to Amnesia. Et vous voulez interpréter un autre morceau après, juste après? Ouais. C'est parti. Donc le morceau s'appelle comment? Fear Virus. Ok. Bon, en fait, c'est la peur du virus. C'est marrant, il y a un virus qui s'est installé un peu dans nos vies. Et ouais. Ça raconte l'histoire de quelqu'un qui est un peu effrayé par à la fois ce virus, mais aussi par les rapports sociaux qui changent. En lien avec cette pandémie. En fait, les paroles, je crois que c'est moi qui les ai écrites. C'est toi. Il me semble que c'est moi, ouais. Non, mais des fois, on les fait de façon collaborative, mais là, c'est moi qui ai dû écrire le texte. D'accord. Je me rappelle l'une des premières fois où je suis sorti pendant le confinement, où il fallait faire son attestation pour s'autoriser soi-même à sortir à l'extérieur. En pleine journée, pas de voiture. Moi, j'ai presque eu peur de croiser des zombies, quoi. C'est vrai qu'il y a eu des photos, quoi, qui ont été prises, ou alors des caméras sur Paris, sur les centres-villes, où on voyait personne. Donc c'est vrai que ça fait un peu ville morte, ça fait un peu comme s'il y avait une explosion nucléaire, il y avait plus d'humains. C'est très effrayant. Voilà, très c'est effrayant, hein, parce que on est quand même des animaux sociables, et puis on a besoin les uns des autres, et dès qu'on voit pas des gens comme nous, ça c'est un peu, quand on va dans une ville, il y a plein de gens partout, on dit plus bonjour ni quoi que ce soit. Par contre, quand on se retrouve au milieu du désert, on voit personne comme lui, oh bonjour, on est content. C'est vrai que voilà, on a besoin de rencontrer du monde, et là c'était un peu effrayant, effectivement. On avait l'impression qu'il s'était passé un cataclysme et qu'il n'y avait plus de survivants. C'est ça. Très bien, donc je vais vous laisser interpréter ce morceau. Je coupe la petite musique de fond, je coupe ma voix, et c'est à vous de jouer. As a mission, lost in a story in the middle of the shelves. Especially don't touch anything that could upset me. Dear prudence, please protect. Dear prudence, please save me. Is this world real or am I a nightmare? I'm so scared, I'm so scared. So will I be afraid all my life? so fragile a lifetime. Out in a role and constrain the less, more anxiety and stress. Fear, deep before long, no more restraint. Fear, a glass cool when I write in my face. The invisible, and I ran and I ran, and I ran and I ran, and I ran and I ran, looking to escape the invisible. Back to my little sweet arms, I tried to find my calm. Too many questions tease me. Did I do really everything right? I try to recover my nerves and myself now. Now, now, and myself still alive and escape as far as I can go. In my mind, I wish I won't, I need a scream. I wish I won't, I need a scream. Be free, it's out in a roll and constrain. Release. Anxiety and stress. Fear. Did it for long, no more restraint. Fear. The grass cool when I write to my face. Be free. Without any role and constraint. Release. More anxiety and stress. Fear. Did it for long, no more restraint. Fear. The grass cool when I write to my face. Jusqu'à la dernière note en direct live dans les studios de Radio Arc-en-Ciel, Radio Arc-en-Ciel pour cette émission numéro 513. Nous recevons les Drive to Amnesia et on vient d'écouter un morceau interprété en direct live. Voilà, on va écouter un petit morceau et puis après on se retrouve donc pour discuter encore un petit peu parce que j'ai plein de questions à vous poser encore. Et puis le temps passe très vite, on a déjà entamé la troisième heure. Les gens ils disent voilà, trois heures ça va être si long, qu'est-ce qu'on va pouvoir dire? Et finalement on n'aura pas le temps de faire la moitié des choses qu'on avait prévues. Hein. Il va falloir que vous reveniez une prochaine fois, en tout cas. Voilà, donc on va écouter un morceau et on se retrouve juste après. Et voilà encore un morceau qui a été choisi par nos invités de cette émission. Alors ce morceau-là, c'est un groupe de la région. Qui c'est qui nous en parle? Je pense que Maxime va nous en parler, non? Alors oui, c'est un groupe du coin d'Orléans. Et en fait, je suis dans ce groupe là, depuis novembre. D'accord. Ça ressemble beaucoup au groupe The Cure. Effectivement, la guitare, ça fait 13 années 80 quand même. Il y a un son de guitare qui ressemble, qui se rapproche beaucoup de ce groupe. Et vu que j'aimais beaucoup ce groupe, du coup, j'ai demandé au guitariste si je pouvais intégrer le groupe. Et finalement, il a accepté. Voilà, mais donc, du coup, finalement, dans ce groupe, on retrouve beaucoup d'influences. Alors, le groupe, il s'appelle comment? Parce qu'on l'entend. Glass Zone. Exactement. Donc c'est un groupe qui existe depuis pas mal de temps, non? Alors en fait, il se produisait seul au départ. Il a composé tous ses morceaux seul. Et son premier concert, c'était assez récemment. On l'a fait ensemble au Club 15. C'était son premier concert. Et avant, il composait tout seul chez lui. Mais tous les morceaux qu'il a fait, c'est lui qui les a composés. Donc c'est un duo? Oui, enfin, non, on est trois. Ouais. Ah, vous êtes trois, donc maintenant vous êtes trois. Et donc c'est un duo à trois. Un duo à trois. Un trio. Ok, donc justement, moi j'ai déjà entendu le nom, ça me dit quelque chose, mais j'ai pas encore eu l'occasion. Là, aujourd'hui, ce soir, je vois un membre, peut-être les trois membres... Une prochaine fois, pourquoi pas. Justement, on prend contact et puis on essaie de voir pour la rentrée, peut-être, pour que vous veniez ici dans les studios Radio Arc-en-Ciel pour nous parler de ce projet. Très bien. Sinon, il faut se déplacer à Bruges en septembre. Comme ça, vous verrez Drive to Amnesia et Glass Zone sur scène. À Bruges? Ah ouais. Ouais, mais après, on fait un quart, hein, et puis on y va. Hein. Ou tous à vélo. Ouais, c'est ça. Voilà. Faut partir maintenant, hein, c'est le 17 septembre. À 17 septembre, oui, c'est vrai que ça fait... Mais bon, après, ça peut être intéressant aussi d'y aller à vélo. Hein. Très bien. On va parler aussi, on a découvert un peu votre univers, on a vu plein de choses, hein, plein d'explications, on connaît les membres, depuis combien de temps le groupe existe, quelles sont les influences. Je voudrais savoir, parler un peu du futur, quels sont vos projets, justement? Parce que là, pour l'instant, le groupe existe, il y a quelques enregistrements, est-ce qu'il y a un disque en projet? Est-ce qu'il y a des concerts? On va faire tout de suite un best-of. Un best-of. On va lancer un best-of. Hein. D'accord. Non, on a un EP prévu avec les titres qu'on a déjà enregistrés. Comme disait Fabien, certains plutôt avec les moyens du bord et puis d'autres de façon un peu plus sérieuse. Voilà. Donc, on est en train de s'en occuper. Je pense que ça sortira Fabien pour la semaine prochaine, c'est ça? Oui. Non, plutôt fin août, je pense. Fin août, début septembre. Donc, autoproduction, on se lance dans ce projet-là. On saute dans le grand bain, mais par nos propres moyens, quoi. D'accord, donc c'est avec les morceaux qu'on va écouter tout au long de l'émission. Certains des morceaux. Il y en aura combien dans... Alors 4 ou 5. 4 ou 5, 4 sûrs et un cinquième qu'on aimerait pouvoir enregistrer d'ici là. Ouais, mais il faut enregistrer entre autres ma voix et le cachet qu'on propose pour l'instant n'est pas suffisant. Donc, d'accord, donc c'est en négociation. Ok, d'accord. Beaucoup de problèmes de sous dans le groupe. Voilà, donc un EP qui va sortir très bientôt. Est-ce qu'il y aura un clip qui va l'accompagner pour la promotion? Il y a déjà un clip existant pour Better Life. Hold Me aussi, on a un deuxième. Et pour Hold Me, oui, effectivement. Tout ça, c'est sur notre page YouTube, d'ailleurs, si vous voulez découvrir les clips et certains de nos morceaux. Il y en a même certains live. Donc, d'accord. Sur la page YouTube Drive to Amnesia, il y a une dizaine de morceaux. Ouais, ça doit être ça. À peu près. Sur Facebook aussi, ouais. Voilà, non, après, on n'a pas de clip en prévision, en tout cas, on n'en a pas parlé, non. On se concentre sur la musique. Et puis, on a le gros projet aussi qu'on a, donc c'est le concert dont parlait Fabrice à Bruges, en Belgique, avec Glass Zone. Donc, c'est notre tournée internationale, là, pour le moment, on n'a qu'un pays, une date. Hein. Et déjà, déjà, la Belgique, c'est bien, déjà, à Bruges, donc... comment s'est organisé tout ça? Parce que vous avez des connaissances là-bas ou c'est quelqu'un qui vous a contacté? C'est Glass Zone, hein, Glass Zone, avec qui on s'entend vraiment bien. En fait, je sais pas si on peut appeler ça comme ça, c'est une sorte de partenariat. En fait, quand on va jouer quelque part qu'il y a besoin d'un autre groupe, on les invite volontiers et eux aussi. Et en fait, c'est un projet dont ils nous avaient parlé, mais à la base, il devait y avoir plusieurs dates, quatre dates. 4 ans en Belgique. Ouais. Et en fait, ça tombait mal pour nous, ce qu'ils nous ont proposé ça il y a un petit moment. C'était même avant le Covid, je crois, ou entre deux vagues. Et puis cette date-là qu'il nous avait annoncée, on ne pouvait pas. Donc il s'est tourné vers deux autres groupes du coin, ou au moins un, ou voire deux, je ne sais plus. Et pour le coup, il était prévu qu'ils partent avec ces deux autres groupes-là pour faire cette mini-tournée. Et puis il s'avère qu'il y a quelques semaines, il nous a contactés parce que l'un des groupes en question ne peut plus participer sur une des dates. D'accord. Donc comme nous, il nous a proposé la date et ça tombait bien dans nos agendas respectifs. On était tous les quatre dispo ce jour-là, donc on y va. On y va. Voilà. D'accord, bah super alors. C'est l'opportunité en fait. C'est, Donc vous allez voir nos voisins belges, donc. Ouais. Et ça me rappelle aussi une photo que j'ai partagée il y a quelques semaines. C'était un groupe belge qui était venu, eux, dans l'émission America. Ils sont venus à deux reprises en plus. Ben, c'est le groupe Question Mark, ouais, que j'avais vu en concert et que j'avais eu l'occasion de voir en concert. Et puis ici, dans les studios, oui. C'est un groupe qui fait beaucoup de reprises. Et on avait passé un super moment avec eux. Donc quand je suis retombé sur cette photo, parce que Facebook nous remet assez régulièrement des photos, et celle-là, j'avais envie de la repartager parce que c'était des bons, moments. Quoi. On en profite pour leur passer un petit message. Comme on te fait de la musique, c'est un petit peu pour la faire découvrir aux autres aussi. Voilà, si vous avez des idées de lieux ou de dates à nous proposer, on est tout à fait preneurs. N'hésitez pas à nous contacter si ça vous plaît. On viendrait volontiers jouer ici ou ailleurs. D'accord. Comment on peut faire pour vous contacter? Parce que soit on me contacte sur Facebook et moi je transmettrai, il n'y a pas de souci. Et les signaux de fumée particulièrement. Ouais. Le pigeon voyageur, on doit aussi. Vous voyez donc qu'on ne s'ennuie pas en répétition. Voilà. Donc on peut nous contacter sur les réseaux sociaux. On est présent sur Facebook, sur Instagram. Et puis on a une adresse mail. Oui, tout à fait. Qui est Fabrice Drive, tout avec un 2, amnesia@gmail.com. D'accord. Ok, donc voilà pour le vous contacter. Si après, bon, quand l'EP sortira, où est-ce qu'on peut se le procurer? Eh bien, on n'y a pas réfléchi. Lors de nos concerts, c'est sûr. Ouais. Et puis sinon, je sais pas, ouais, je pense qu'on communiquera sur les réseaux sociaux une fois de plus pour éventuellement des commandes, des envois. Bah là, en fait, le but, c'était de sortir l'EP pour le concert en Belgique. Mais pour c'est avoir vrai un que support à proposer. À proposer aux gens qui aimeront ce qu'on fait. Maintenant, c'est vrai qu'on n'a pas réfléchi forcément en dehors des concerts à la façon de commercialiser cette EP. Ouais, on n'a pas de plan marketing, on n'a pas c'est pensé vrai qu'on à ça. Est pas... On n'est pas trop... Mais vous n'êtes pas branché là-dessus. Mais vous êtes sûrement, pour répondre aussi à une demande, c'est-à-dire que les gens qui vont vous voir en concert, souvent ils demandent, vous n'avez pas l'enregistrement. Ils vont vous réclamer, oui. Ah bah, ils vont vous réclamer, ça c'est sûr. C'est ce qui s'est passé. Mais comment on va faire pour rentrer? On va rentrer chez nous, on ne pourra pas écouter votre musique, comment c'est pas possible. Ah non. Ou c'est pour les autres qu'on fait ça? En fait on gère la frustration. C'est pour gérer la frustration des gens, en fait. C'est pour satisfaire. Mais on a eu le cas dernièrement au concert, on a fait... Il y a des gens qui sont venus nous voir pour nous demander si on avait... Alors après, on n'avait rien. Après, on a deux titres sur Bandcamp. On a Better Life et Hold Me qui sont sur Bandcamp. Voilà. D'accord. Si les gens veulent se les procurer. Ouais, c'est un peu comme ça que j'ai fait aussi. Moi, j'ai cherché des morceaux avant que vous passiez dans les studios Radio Arc-en-Ciel. Comme j'avais pas de morceaux, j'en avais cherché et je les avais diffusés dans les émissions précédentes. Ouais, on a SoundCloud aussi. SoundCloud. On a 4 ou 5 morceaux. Ok, on a tout, donc voilà, on a où vous contacter, l'adresse mail, le réseau social Facebook, YouTube, SoundCloud, Instagram, donc voilà. Vous êtes bien connectés, bien comme il faut. Mmh. Et ce soir, vous êtes dans l'émission Mavrica, donc sur 96.2 MHz et dans le monde entier grâce à radio-arc-en-ciel.fr. Mmh. Ok, donc ça sera au mois de septembre, votre concert. Ça, oui, donc ouais. Pour les Orléanais qui voudraient y aller, il faut peut-être préparer. On mettra toutes les infos sur les réseaux et oui, on peut peut-être prévoir un bus électrique, donc du coup pour s'y rendre tous ensemble. Bah, ils sont plusieurs, à la limite on met des pédales, tout le monde peut pédaler. Ouais, ça peut un truc comme ça. Et ça c'est un truc à lancer, ça franchement ça marcherait et puis ça ferait parler de vous en même temps. Très bien. Donc on continue un petit peu avec notre playlist parce qu'il y a plein de morceaux qu'on passera pas et on va passer le numéro 10 peut-être. Ouais. Allez, c'est parti. Ouais, alors c'est Fabien qui va nous en parler. Alors quand on lui dit numéro 10, en fait, il sait pas lequel c'est. Ah oui, c'est Fantogramme. Ouais, c'est ça. C'est ça. Fantogramme, C'est un groupe que j'aime beaucoup, moi. Alors, je sais que c'est pas le cas de tout le monde dans, dans cette salle, mais moi, j'aime particulièrement ce groupe. Il y a un côté mélange, un côté électro et un côté plus guitare, électrique, batterie acoustique, avec une voix féminine aussi. Je trouve que ça ressemble un peu à notre configuration, donc je trouve, j'y trouve certaines similitudes, et c'est un groupe que j'aime beaucoup. Et voilà, donc ils ont plein de titres très très sympas. J'invite les auditeurs à aller découvrir ce groupe là, qui aime tout ce qui est pop, rock, électropop. C'est vraiment sympa, moi j'aime beaucoup. Et puis bah, c'est la deuxième femme de notre playlist, donc il faut aussi noter que il y a deux femmes au moins dans la liste. Il y en avait plein d'autres de prévues, mais une bonne côté. Donc, Non, mais moi c'est pareil, je me suis plaint souvent, c'est que la plupart des groupes, c'est la plupart du temps, c'est des garçons. Hein. Il y a quelques groupes de filles, il va falloir aussi qu'on les reçoive, entre autres les Planètes que j'ai vues il y a quelques temps. Il va falloir que je les contacte aussi pour qu'ils viennent dans les studios Radio Arc-en-Ciel. Parce qu'on s'était vu à un concert il n'y a pas très très longtemps. Ils sont passés au Dropkick il n'y a pas très très longtemps. Ouais, bah oui, c'est là que je les ai vus d'ailleurs. Et je les avais rencontrés tout au début, ils m'avaient dit on n'est pas encore prêts, on n'est pas prêtes, tout ça. Et là, ils m'ont dit ça y est, on est prêtes. Hein. Donc je vais les inviter et puis ils viendront ici dans les studios de Radio Arc-en-Ciel pour nous faire découvrir aussi leur univers. Ça, c'est super bien. Donc on écoute le morceau tout de suite et puis après on se retrouve à nouveau pour un live, c'est ça hein ? C'est ça, c'est ça. C'est parti. morceau choisi par nos invités, le groupe Drive to Amnesia, qui est ici présent dans les studios de Radio Arc-en-Ciel et qui va maintenant nous interpréter un morceau. Ouais, vous êtes prêts? On est prêts. Vous êtes prêts, donc impeccable, vous êtes déjà en place, les instruments sont prêts, la table de mixage, eh ben, on va régler à peu près les potentiomètres comme dans les précédents live. Et puis après, c'est à vous de jouer en direct dans les studios de Radio Arc-en-Ciel, le groupe Drive to Amnesia. Donc là, je vais faire les rappels, parce qu'il y avait trois morceaux de prévu, mais on veut un quatrième, quoi, c'est ça. Ça tombe bien, on en a un prévu. Ah bah super. Oh. Je m'y attendais pas. Voilà, c'est parti, un quatrième morceau en direct live dans le studio de Radio Arc-en-Ciel, le groupe Drive to Amnesia. Thank you. Bravo, interprétation en direct live dans les studios de Radio Arc-en-Ciel. Un superbe moment. Moi, c'est ce que j'aime bien dans l'émission Mavrika, c'est que j'ai la chance d'avoir un concert presque pour moi, parce que moi je les vois, les autres peuvent les entendre grâce à Radio Arc-en-Ciel à travers le 96.2 MHz. En tout cas, un superbe moment. Ça a été pour vous? Oui. Voilà. C'est pas évident, parce que là, on est en mode restreint. Il faut quand même le dire. On est dans un tout petit studio. Il fait très chaud. Il y a un certain nombre de micros avec lesquels dont on se sert. Et puis effectivement, donc le live comme ça, c'est pas toujours évident à interpréter les morceaux. Voilà. Donc on est dans l'émission Mavrika. Il nous reste encore quelques minutes. Ce que je propose, c'est qu'on écoute un morceau à vous, parce qu'il reste deux morceaux à découvrir. Ouais. Et après, on se retrouve à nouveau, le temps que vous preniez un petit peu votre respiration pour parler les dernières minutes dans l'émission Mavrika. Voilà, on fait comme ça. C'est parti. Into your arms, hold me. Youth, mesdames, messieurs. C'était les Sonic Youth. J'ai juste le temps de monter le micro. Et ça y est, Fabrice, ça y est, il a pris ses repères à la radio. Le prochain animateur, donc, sur Radio Arc-en-Ciel. Nouvelle vocation. Très bien, donc les Sonic Youth. Bah, c'est toi qui l'as choisi en plus. Ah oui. Bah oui. Un super morceau. On n'aura pas le temps de passer tous les morceaux que vous avez prévus. Oui. Il va falloir que vous reveniez la prochaine fois. C'est ça. Voilà, sur une autre émission. C'est obligé. Voilà, on arrive bientôt à la fin de cette émission. Donc, vous êtes à la radio. Si vous avez envie d'en profiter pour faire passer un petit message auprès des auditeurs, allez-y, lâchez-vous. Et puis tous les gens que vous connaissez, si vous avez envie de faire un petit coucou, vous pouvez le faire aussi. Coucou les gens. Bah, Fabien a fait passer un petit message tout à l'heure en disant que voilà, si des propriétaires de salles nous entendent et ont apprécié ce qu'ils ont entendu, qu'ils n'hésitent pas à nous contacter par les différents biais dont on a parlé tout à l'heure, Facebook, Insta, voilà, pour qu'on puisse faire découvrir notre univers à encore plus de monde. Voilà, je crois que c'était le message qu'on pouvait faire passer là tout de suite. Les mariages, les baptêmes. Les bar mitzvahs. Et puis ça peut être en France, dans le coin ou beaucoup plus loin même après. Même à l'étranger. Je suis prêt à aller jusqu'au Texas. Texas. Je sais pas si en ce moment c'est une très très bonne idée, mais. Très bien, donc ça c'est. C'est dit, donc si vous avez envie de les contacter pour les faire jouer, tout simplement, si vous avez un endroit où vous pouvez les faire jouer, ou alors si vous organisez aussi il y a des gens qui organisent des fêtes, des soirées, des choses comme ça. On est partant. Donc, voilà. Ensuite, d'autres choses à dire aussi? Juste remercier à nouveau pour nous avoir donné l'opportunité de présenter à un plus large public notre univers, de faire découvrir nos morceaux, studio, en live. Voilà, c'est super d'avoir cette C'est un plaisir pour moi, en tout cas, de vous avoir rencontré. Et donc, maintenant, vous connaissez l'adresse. Vous me recontactez dès qu'il y a de l'actualité. Et puis, vous revenez. Vous ramenez encore à nouveau. Vous savez comment ça fonctionne maintenant. On a beau préparer tout à l'avance, ça se passe jamais comme on a prévu. C'est donc, nous, on a fait une croix là-dessus. On avance au feeling dans l'émission Mavrika. C'est comme ça. En tout cas, moi, pour ma part, en termes de préparation... Préparer une playlist pour la radio, c'est un truc que j'ai jamais fait de ma vie et c'est un vrai plaisir. En plus, c'était bien prévu. Hein. Vous aviez une trentaine de morceaux. Autres, c'est vrai que moi, j'ai découvert la musique pop-rock par la radio, finalement. Mmh. Parce que mes parents, un peu comme toi, Fabien, n'écoutaient pas forcément de la musique anglo-saxonne. Et mes souvenirs de radio, même bien plus tard, passé 30 ans, ça va faire rire Maxime, mais j'ai encore découvert des artistes que j'avais jamais entendus un soir à la radio et ça reste gravé dans ma tête, c'est un truc... Il y en avait dans ma playlist pour la prochaine fois. Et encore aujourd'hui, les gens aujourd'hui peuvent découvrir plein de choses par eux-mêmes, c'est vrai que c'est super bien, mais des fois c'est bien aussi de se laisser guider par quelqu'un qui a lui aussi cherché des trucs. Mmh. Et dès qu'on tombe sur des bonnes choses, on dit tiens, lui, il découvre des bons trucs. Ils ont de la chance, nos jeunes, aujourd'hui, qu'on n'appelait pas, nous, c'est qu'il fallait fouiner pour trouver des choses. Nous, mais il y avait un plaisir, du coup. Il y avait un plaisir. Ce que je trouve super aujourd'hui, c'est que avec les playlists, en fait, il y a des algorithmes qui font que quand on écoute un truc, ça nous envoie vers un autre truc qui ressemble un petit peu. Donc, quand on aime bien un style de musique, ça nous renvoie des choses qu'on ne connaît pas forcément. Et je trouve ça, ils ont beaucoup de chance. Moi, ça m'a permis récemment de découvrir des groupes que j'aime beaucoup et je connaissais pas du tout. Et c'est grâce à ces outils-là qu'on n'avait pas. Il y avait que la radio qui nous Il y avait que la radio, donc on écoutait l'animateur ou alors on enregistrait avec nos cassettes. On enregistrait. On a l'impression d'être dinosaures, là. Ouais, on s'en rendait compte à la fin qu'on avait oublié d'appuyer sur REC. Ouais. Les deux heures d'émission qu'on voulait absolument pas louper. Et l'animateur, il avait parlé en plein morceau, au milieu du morceau, donc c'était mort. Ou alors après, on avait la chanson, mais on n'avait pas le titre. Donc on allait dans le magasin de disques, on disait qu'est-ce qui pourrait ressembler à ça, d'après le titre, d'après ce qu'il dit, là, qu'est-ce qu'il dit. Il n'y avait pas Shazam, Ouais, aujourd'hui, c'est vrai que c'est beaucoup plus simple. Mais par contre, aujourd'hui, on prend moins le temps, on zappe plus rapidement. C'est le côté négatif de tout ça. Ouais, on jette, on écoute, on jette. Avant, on gardait tout. On essaie d'enregistrer le disque. Il y a un copain qui achetait le disque, on était 15 à enregistrer sur les cassettes. Et on écoutait l'album en entier. On écoutait l'album en entier. Et puis, avec le silence qui fait toujours le même temps, parce que dans un vinyle, justement, le silence est toujours identique. Quand c'est sur une playlist, et ben, des fois il est mixé avec l'autre, des fois il ne l'est pas, des fois il y a un petit silence, des fois il n'y en a pas. Donc là, c'était vraiment l'album qu'on connaissait, même les silences. Voilà, c'est un plaisir. Encore aujourd'hui, on peut le faire. Moi, je sais que régulièrement, j'en mets un disque sur ma platine et j'écoute d'un bout à l'autre, comme ça, comme à l'ancienne. Puis je regarde la pochette, ça c'était aussi un plaisir. Voilà, c'est une manière différente. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'on a la possibilité d'avoir tellement de morceaux qu'on écoute l'intro de chaque, puis on écoute rien à fond. Puis voilà, c'est vrai qu'avec le 33 tours, quand on a un morceau qui nous plaisait pas, pour aller au suivant, c'était pas facile, quoi. Ouais, on l'a visé avec le truc. Là, aujourd'hui, c'est vrai que ça nous plaît pas. C'est vrai que je sais pas si il y a beaucoup de gens qui écoutent des albums en entier aujourd'hui. Par rapport à nous, où on écoutait vraiment un album de A à Z sur la platine. Dans le Walkman. Dans le Walkman. Aujourd'hui, je sais pas si c'était plus facile, effectivement, de zapper. Et même dans les cassettes, on écoute aussi la suite de l'autre. Je me souviens qu'il y avait certains lecteurs de cassettes assez sophistiqués qui détectaient les silences. Ouais. Mais bon, s'il y avait un silence au milieu d'un morceau, bah lui, il comprenait pas. Et après, il y a eu les lecteurs de CD où on pouvait programmer carrément dans le désordre. Ouais. Oh là aujourd'hui. Ouais, voilà. Donc voilà, nous on a vu cette évolution là. Et puis c'est pas fini, hein. C'est pas fini, mais bon. Où est-ce qu'on va après ? Où est-ce qu'on va aller ? Je suis pas sûr de vouloir le savoir. je me souviens d'une fois, j'avais dit à quelqu'un, tu sais, un jour il y aura plus de support, il y aura plus de CD, il y aura plus, ça sera, il y aura pas de support physique. On y est, hein, ça y est, ouais, hein, c'est avec l'USB, ouais. c'est numérisé, sur un disque dur, mais on n'a plus le support vraiment, quoi. Après, le vinyle revient. Pendant des décennies, il y a eu un creux à l'arrivée du CD. Il n'y avait plus de vinyle. Mais aujourd'hui, ça revient. Il y a plein de gens qui ont une platine vinyle, même des ados. Et même ils nous, retrouvent le charme du vinyle. Ouais, on connaissait que le vinyle, c'était vraiment le meilleur support qu'on avait. Et quand le CD est arrivé, on nous l'a exposé comme quelque chose de révolutionnaire, que de toute façon, c'était 100 fois mieux que le vinyle. Alors finalement, le vinyle avait quand même cette authenticité, ce son analogique était... son charme aussi, hein, voilà. Donc comme quoi, mais bon, moi j'aime bien la musique, donc j'aime bien varier aussi les supports, et c'est vrai que quand on est en train de faire autre chose, on programme quelque chose sur l'ordinateur, on l'écoute sur l'ordinateur, et puis sinon quand on a le temps, bah, on met un vinyle et puis on boit un petit verre devant. Voilà, ça c'est les petits plaisirs. En attendant, on arrive à la fin de cette émission, donc je vous remercie d'être venu pour cette première émission avec vous. Merci à toi. Et puis, au fur et à mesure, on se tient au courant. S'il y a un concert dans le coin, j'irai vous voir avec plaisir. Super. Et s'il y a de l'actualité, si vous avez envie de revenir dans les studios de Radio Arc-en-Ciel, vous me recontactez, puis vous revenez. Le rendez-vous sera pris donc pour les prochains mois. Je sais que vous allez revenir. Si tu une place pour le bus qui va à Bruges, il faut que tu aies une bise assez tôt. Ouais, mais c'est le bus à pédale, là. Oui, c'est ça. D'accord, c'est ben oui. Mais non, mais ça serait super, super initiative de faire un truc comme ça. C'est de... Ou alors, on va monter une boîte où on va faire un bus à pédale et on le louera pour justement toutes les associations, toutes les organisations comme ça qui font des concerts un petit peu loin. Ouais. Et les gens qui veulent jouer le jeu, ils le font et puis... ça nous rapporterait de l'argent pour l'association. C'est dans les années 2000, ça va me permettre de glisser le nom de l'un de mes groupes préférés, que j'avais même pas mis dans la playlist, mais qui est une référence incontournable pour moi. Radiohead avait fait une tournée où ils avaient leur propre chapiteau, leur propre matériel, et en fait, ils arrivaient dans des lieux, et ils s'installaient avec, avec leur structure. Quoi. D'accord. Il y avait une démarche écologique aussi là-dedans, de dire... on sait comment on gère notre matos. C'était pour glisser Radiohead, excusez-moi. D'accord. J'avais eu les voilà. Et puis moi, ça me rappelle aussi, ça n'a rien à voir, mais c'était les Red Hot Chili Peppers. Ouais. Et je suis retombé sur une vidéo qui était assez ancienne où ils n'étaient pas habillés du tout, sauf avec une chaussette à un endroit bien précis. Et donc je me suis dit, ouais, mais il y a quand même c'était le réchauffement climatique. Des dingues quand même. Mais bon, ça fait partie de l'histoire du rock'n'roll, quoi. Donc je suis retombé sur cette vidéo-là et ça m'a fait tellement fait rire. Et puis elle a été partagée sur Facebook. J'ai vu plein de gens qui rigolaient, qui mettaient des petits commentaires et tout ça. Je dis, ouais, effectivement, c'était une période assez, assez folle des Red Hot Chili Peppers. Donc c'est bien de parler de tous ces trucs-là. Je pense que chaque groupe a amené un petit peu sa couleur et c'est grâce à eux qu'on écoute la musique d'aujourd'hui. D'aujourd'hui ou pas. Parce que bon, il y a certaines évolutions différentes hein, d'un côté à l'autre. Mais bon, beaucoup d'histoires comme ça sont écrites. Et d'ailleurs, moi j'ai un bouquin chez moi où il y a plein d'anecdotes comme ça. Et je lis ça avec beaucoup de plaisir parce que ça nous explique plein de choses. Qu'il y a eu quand même des révolutions. Avant ces groupes-là, il n'y avait pas Et ils ont pris des risques, ils se sont fait connaître comme ça. Et aujourd'hui, je suis sûr que si les groupes faisaient la même chose, ça ne marcherait pas. Mmh. Je pense que c'était une époque, ça correspondait à quelque chose. Quoi. Voilà, on arrive à la fin de cette émission. Donc, en tout cas, merci d'être venu encore une fois. On garde le contact, vous revenez quand vous voulez. Et puis, donc, on se donne rendez-vous à la semaine prochaine. Ça, c'est Irène qui fait un petit coucou à la fin de l'émission. Donc, Irène, on t'a pas oublié, on te fait un petit coucou. Et puis, c'est l'auditrice la plus fidèle de l'émission Mavrika quand même depuis des années. Coucou. Alors des fois elle nous appelle, des fois elle nous fait juste un petit coucou à la fin et on sait que c'est elle, hein. Elle fait sonner deux fois et puis c'est fini. Donc merci Irène, merci à tous ceux qui sont intervenus sur le Facebook. Vous pouvez continuer à intervenir pendant tout le long de la semaine. On se donne rendez-vous la semaine prochaine, je vous tiendrai au courant de toute façon sur Facebook de ce qui va se passer parce que je sais même plus si je suis un peu perdu là, je suis arrivé tout à l'heure là. Déjà je suis arrivé un petit peu en retard parce qu'il y avait des gens sur la tangentielle qui poussaient la voiture et donc on était bloqué derrière des gens qui poussaient leur voiture. Donc ça s'est fait un petit peu à l'arrache, c'est pour ça qu'on a pris l'antenne un petit peu plus tard, mais ça s'est bien passé. C'est pour ça aussi qu'on se permet de dépasser un petit peu à la fin de l'émission. Voilà. Donc merci à vous. On va souhaiter aux auditeurs une très bonne soirée, une très bonne nuit, très bon week-end, très bonne semaine. Et on se donne rendez-vous la semaine prochaine donc pour l'émission numéro 514. Merci à vous. Merci. Et à très bientôt. Au revoir. Allez, au revoir. On écoute le dernier morceau d'ailleurs, on avait gardé. Normalement je l'ai bien calé, je regarde quand même, je vérifie. Oui, il est calé, c'est bien le bon, parce que je voulais lire le titre. Et on se quitte avec ce morceau-là, c'est le quatrième morceau enregistré donc que vous nous présentez ce soir. Voilà, à très bientôt. À bientôt. Allez, ciao. Au revoir.